Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de tout. Oui. Oui, elle est longue, oh celui-là. Ah, oh, bah. Il n'y a pas d'invité pour nous mettre la honte de cette intro. Bonjour, bonsoir, ouais, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et ah, dernier. Ah, ah bah, je le dis quand même. Parce que je me disais, est-ce qu'il va faire le truc de bienvenue dans ce dernier épisode, ah, du Floodcast? Ah, non, je le fais. Voilà, t'as fait nouvel et dernier. Nouvel et dernier épisode du Floodcast. Oui, chialer, chialer. Parce qu'on s'est dit, avec Adrien, en vrai, c'est Adrien qui a eu l'idée, mais j'étais d'accord avec lui de ne pas finir sur des lives, parce qu'on sait que les lives, c'est pas forcément les meilleures qualités d'écoute, etc., etc. Donc pourquoi pas faire un vrai petit au revoir, voilà, voilà, un vrai petit salut, bilan que... calmement, on se remémore chaque instant, quoi. Comment vas-tu, Adrien, déjà? Eh bah, ben, ça va bien. Ça va, en plus, remis là... de tes émotions c'est oui, trois grosses journées. Oui. D'ailleurs, je voulais dire aux gens que quand je dis je vais être en dépression et tout, c'était une blague, hein, parce que vraiment tout le monde après m'a dit alors déjà genre ouais, déjà sympa de te faire alors alors tu déprimes. Non mais je sais que dans après le dernier live dans la rue, il y a des gens qui sont venus demander des photos et tout, et après en partant ils ont dit bon, et puis ça va aller, hein, prends soin de toi et tout. J'étais... Non, mais je vais pas me flinguer, hein, c'est bon. Enfin, c'est... Et en vrai, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas du tout eu même de tristesse, de mélancolie, rien. J'étais vraiment juste de la satisfaction d'avoir bien clôturé le truc, quoi. Bah, comme on l'entendait. Et... avec bon entendeur, même. Ouais, c'était... ça, on a coupé au montage. On les a coupés. Ils avaient pris des extraits du Floodcast qu'ils ont remixé. Ouais. Ça faisait sperme. Et ben, je suis d'accord avec toi. Mais parce que, est-ce que c'est pas aussi ce truc? C'est que, parce que c'est marrant, quand on faisait le week-end, enfin marrant, pas si marrant, mais il y avait une vidéo de Pierre Chabrier de Villebrequin qui est sortie. Le Chabs. Que j'ai consommé à la minute. Parce je que l'ai que pas je suis, regardé, moi. Parce que je suis une merde. Et je me disais, mais en fait, c'est toute la différence, c'est vraiment juste ça de. Attends. Ouais. Laissons passer quelques mois. Non, mais parce que même eux, quand ils ont arrêté ensemble, il y avait un truc de on est triste, on se fait des câlins, machin. Et vu que nous c'était vraiment une espèce mais eux, de c'était déjà fake à ce moment-là, oui, je crois. Mais nous on savait pas au moment où c'est fait, tu vois, et c'est arrivé du jour au lendemain, oui. Vu que nous on a prévenu longtemps en avance, qu'on l'avait déjà bien réfléchi avant, et que du coup on a organisé effectivement, comme tu dis, un truc de, en fait, pourquoi il y a de la satisfaction comme tu dis, c'est parce qu'on a organisé notre départ, quoi, tu vois. Oui, il y avait un ça. Truc cool de faire trois spectacles, de préparer avant, de se faire plaisir sur les invités, de savoir que ça allait être la fiesta, j'ai envie de te dire. C'était une fiesta. C'était une fiesta. Et donc, du coup, c'était, je pense, ce qui fait que moi, pareil, j'ai eu un truc juste de content, pas de mélancolie, justement, plutôt des. Ouais, un truc de. Ça ressemblait à la fin, c'est ce qu'on s'est dit par texto. Ça ressemblait à la fin qu'on imaginait du Floodcast. De fou, quoi. Ouais. Même mieux, parce que moi, je pensais pas, par exemple. On parlera du Floodcast plus généralement, mais pour parler des trois lives que vous avez sûrement écoutés, ça s'est fini avec plus de gens que ce Je pensais. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait se prendre beaucoup plus de vent. Et au final, quasiment tout le monde a dit oui, quoi. Et quand ça pouvait pas, c'était vraiment des trucs d'emploi du temps. Ça qui était cool avec ce final, c'est que tout le monde est venu et que ça restait quand même le Floodcast un peu à l'arrache. Les gens avaient leurs feuilles à la main sur scène. Oui. On a merdé les openings, les machins, les trucs. Et ouais, mais ça ressemblait à la grosse émission, quoi. C'est ce qu'on a. Oui, c'était toujours notre rêve de. En fait, les gens viennent pour se marrer, les invités comme les gens dans le public. Et je pense que l'expérience, elle est encore plus cool quand tout le monde est dans cette ambiance-là. Je précise, on dit à l'arrache, c'était nous, parce que la prod et toute l'équipe, c'était sublime. Super carré, hyper rassurant, trop bien, quoi. Donc, c'était complètement nous. Non, et en vrai, on n'a pas, tu dis à l'arrache, on a quand même vraiment. Ah, on a bossé! Pas bien trop. Sûr. Non, mais même, on n'a pas foiré tant. À part oublier le générique le premier soir du jeu, qu'on a fait plus tard, du coup. Oui, c'était des petits couacs, mais en fait, les couacs qu'il y a eu, je crois que les gens s'en sont même pas rendu compte. Ouais, moi, même, c'est mon neveu, je crois, qui m'a dit, mais c'était prévu le truc de oublier le. Alors, bah si, les gens l'auront entendu, du coup. Ouais. Il m'a dit, est-ce que vous avez fait exprès le coup de oublier le générique? Parce que ça coïncidait avec le côté ça a commencé, tu vois. Ah, et donc lui, oui, il se disait d'accord. Ah, ils ont fait exprès pour faire genre ils ont oublié que l'émission avait commencé. Putain. Et du coup, alors que quelle pas du tout. Quelle haute estime à ton neveu. Ah bah, oh la vache. Non pas du tout, on a oublié comme des merdes. Un pur oubli. Et j'ai essayé de faire genre bon, on a gardé pour la deuxième partie du jeu et ça n'a pas fonctionné. Non, enfin, je t'ai dit que non on a non mais restons transparents, écoute, sur C'est mieux pour faire accepter les erreurs de les mettre en plein jour, quoi. Bah évidemment. Mais effectivement, toute l'équipe a été super et j'en profite effectivement pour aussi leur refaire un big up, l'équipe technique, soit au son, la mise en scène, parce que oui, il y a de la mise en scène, la lumière, enfin voilà, vraiment tout le monde a vraiment bossé, parce qu'ils sont pas dans notre tête, quoi. Et en plus, vu qu'il y a tellement. Enfin, c'est rare un spectacle où par exemple... heureusement, parce que c'est un sacré bordel dans notre tête. Oh, waouh, appeler la femme de ménage pour nettoyer tout ça. Mais oui, faut savoir que c'est un conducteur avec 1h10 d'impro, quoi. Puisque le jeu du floodcast, c'est on ne sait pas ce qui va se passer et tout. C'est ce qui fait que le dernier soir, j'ai eu un retard d'une heure sur le conducteur, m'entendez-vous? Une heure de retard sur le conducteur. Donc quand t'as Pierre Ninet, Clara Luciani, Jonathan Cohen dans les loges, heureusement ils se connaissent tous un peu. Et en fait tous m'ont dit, mais non, en fait on a passé une super soirée parce que c'est des gens qui se voient pas tant que ça. Ouais. Et donc ils étaient dans les loges et ils rigolaient, ils discutaient. Mais ouais, une petite heure de retard sur le conduc du côté du côté de Flo. Parce que le dernier soir ça a duré quasi 3 heures en fait le show. Putain, je m'en suis rendu compte. De happening, avec quand même essayé de garder la volonté. C'est l'autre truc aussi, j'ai vu des commentaires sur. Parce que là, alors on enregistre, on a sorti qu'un live, celui avec Benjamin et Morgane. C'est que je coupe plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs, il y a des vidéos, il y a des happenings, voilà. Mais on va mettre les floodcasts racontes en bonus parce qu'on a un moment, il y avait une phase où on faisait des floodcasts racontes avec des invités. Donc si vous avez vu des photos Insta en disant putain mais il y avait Jonathan Cohen, Laura Felpin, Sébastien Chassagne, machin, et où est-ce qu'ils sont dans les épisodes, on va balancer ça en bonus dans l'été, on sait pas exactement quand. On sait pas sous quelle forme encore, est-ce qu'on les balance parce qu'en fait comme c'est la même trame les trois, on a peur que balancer les trois, il y a un côté un petit peu redondant et donc on se dit est-ce qu'on fait pas un montage avec les meilleures parties des trois, mais bon on va voir. On va voir, sachant que aussi j'en profite pour tout balancer, le sketch d'intro on va le mettre aussi là normalement dans pas longtemps quand vous écoutez cet épisode et il y a aussi quand même Cyriac qui nous a suivi sur tout le truc, qui bosse sur une espèce de petit vlog slash documentaire, alors pas documentaire parce qu'on n'a pas, on n'est pas interviewé, mais plus vide des trois lives où je sais qu'il a filmé plein de gens, on voit entre autres Thomas Pesquet répéter du saxo avec trois pirates dans une loge de 3 mètres carrés, donc voilà, il y a plein de petits trucs et des images de ce qu'il y avait sur scène aussi pour les gens qui n'ont pas pu venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de capta. Non. Capta Stenda d'ailleurs, mais il y aura effectivement a priori cette vidéo là qui donnera une idée et qui donnera un aperçu et qui montrera pas mal de trucs, effectivement. Parce que la capta en plus, alors d'une ça a jamais été l'ADN du podcast, et en plus sachez que c'est tout simplement 10 000 euros par soir. Voilà, c'est le simple fait d'avoir l'autorisation de filmer. Je vous enlève les caméras, l'équipe technique, les gens qui doivent filmer, l'autorisation de la salle Playel, c'est 10 000 euros et on a payé. Alors moins cher, j'ai plus exactement le chiffre, 3 000. Pour avoir l'autorisation de l'audio. Là, nous on a dû payer une somme et ça se fait. Hein, c'est pas, je ne les shame pas, mais le fait est qu'il faut payer. Donc du coup, vidéo, c'est pour ça que vu que ça n'a jamais trop été l'ADN du truc, on trouvait ça un peu absurde. En vrai, nous on n'a pas des fonds illimités et pas genre, c'est parce que c'était vraiment lâché. Bah plus de 30 000 balles parce qu'après il y avait les moyens techniques pour filmer, le montage pour un truc qui nous rapportait zéro quoi. Quasiment. Donc parce que même les billets c'était des choix à faire, on n'a jamais fait de capta vidéo, on avait déjà Cyriac qui filmait et on s'est dit là c'est lâcher 50 000 balles c'est pour pour s'éviter des commentaires de gens qui disent quel dommage pour les gens qui vous suivent depuis le début avec 8 points de suspension. Oui, quel dommage, on est d'accord, mais c'est des choix ça coûte très cher. Ça fait partie de l'aspect un peu homemade Simpson, pour reprendre ce qu'on dit. Homemade. Ça marche toujours sur moi, c'est terrible. Non mais c'est-à-dire qu'il y a je vois pas pourquoi là d'un coup parce que c'est fini il aurait fallu faire ça. Enfin moi j'aime bien que ce soit logique du début à la fin quoi. Je trouve que même les invités, moi je le sais, ça les mettait à l'aise de se dire mais attendez quand on va venir c'est pas filmé, c'est pas en direct. Il y a des invités qui étaient très rassurés qui seraient sans doute pas venus si ça avait été filmé. Exactement, parce qu'il y avait un truc de bon bah il y a entre guillemets que 2200 personnes dans la salle et si jamais ça merde, on peut couper au montage et puis c'est pas filmé donc il y a pas besoin de make-up, pas besoin de on garde l'aspect roots qui a toujours été celui du Floodcast et qui est important en fait pour nous ça va toujours dans cette logique. Ça m'amène de, alors je fais un peu des transitions peut-être un peu merdeuses mais tant que j'y suis bon ce serait bien la première fois dans le podcast normalement c'est très carré mais bon parce que quand on avait fait l'épisode pour Mais à tes souhaits. Bah ouais. Je comprends. Quand j'avais fait le, qu'on avait fait la, l'annonce de qu'on arrêtait, j'avais dit que j'étais fatigué et tout. Et en fait, il y a eu une news AFP. Non mais j'en parle parce que qui est Florent parti Bernard en mode au bord du au burn-out, bord du burn-out, etc., etc. Et justement, non, c'était ça qui était cool, c'est que j'arrête pour ne pas pour pas faire ça. Donc tout va bien. Ouais, ouais. Et j'ai vu des gens dire et je comprends la question, mais pourquoi? Vu qu'il fait tout, pourquoi pas déléguer? Pourquoi pas prendre un monteur? Pourquoi pas prendre un mec qui fait le mix? Pourquoi pas prendre une un programmateur ou une programmatrice? Des gens pour faire ces choses-là. Et de dire, mais. Déjà, on fait ce qu'on veut, déjà. Déjà c'est le premier non, truc. Mais hein. Moi, vraiment, j'y crois. J'ai ce côté, je suis peut-être très naïf, mais j'aime ce côté artisanal du podcast. Je pense que c'est ce qui fait que ce podcast a tenu aussi longtemps et a marché aussi longtemps et qui fait que les gens ont aimé venir. Moi, je me souviendrai toujours de Pio Mama qui arrive et qui fait putain, mais c'est trop cool en fait. Enfin, genre, on est dans le salon du gars, il y a 4 micros, c'est un peu préparé, mais vous nous mettez à l'aise, vous nous mettez en avant, et c'est cool, tu vois. Et ça permet d'avoir le côté détendu, etc., etc. Et donc, j'ai ce truc de, mais en fait, si ça commence à avoir et des programmateurs, et des monteurs, et des machins, je pense que on aurait peut-être gagné 3 mois, mais pas plus, quoi, parce on aurait perdu ce qui nous fait kiffer aussi, parce que quand je dis, ouais, le montage, programmer, ça prend du temps, etc., oui, mais ça fait partie du côté cool du Floodcast, c'est-à-dire que c'est du travail, mais c'est un travail marrant, mais c'est du travail. Mais si je m'enlevais le truc aussi qui était marrant, bah, je pense que j'aurais perdu ce qui me fait kiffer en général. C'est l'expérience globale qui me plaît, moi. Oui, puis sur un projet, c'est vraiment un plaisir de pouvoir être là du début à la fin, en fait, vraiment à toutes les étapes, contrôler le truc. Et c'est quasiment impossible sur n'importe quel projet, quoi. Tu vois, tu fais un film, c'est pas toi qui va être à chaque étape. Enfin, tu vois, c'est très rare, en fait. Enfin. Ça arrive, mais il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de trucs, et bah c'est possible sur un podcast parce que c'est un format qui est assez simple en vrai, et du coup bah c'était ça aussi le plaisir, c'est on a ce contrôle là et cette liberté dans le podcast, donc on l'a gardé jusqu'au bout et on n'envisageait pas de le faire autrement et voilà, et ce qui fait que bah on est content sur 10 ans, même les erreurs, en fait, c'est nos erreurs, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un truc où on a vraiment accompagné le truc et c'est trop cool. Et oui, exactement. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas des chaînes de WhatsApp ou de mail pour ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a des métiers avec Adrien, auteur, comédien, etc., réalisateur, où effectivement c'est tout le temps des réus, des Google Zoom, des Google Zoom. Google Zoom. Écoute. Oh l'enfoiré. Des Google Zoom sur MSN, hein, comme ça arrive souvent. Des Google Zoom. Oh non. Giflez-moi la gueule. Pourriture. Non mais voilà, des réunions, des machins, des trucs. Là, d'avoir ce truc de on vient, on pose les micros, on branche, on rigole 2 heures. Ou 1h30 et derrière chez eux, et surtout on rigole pas aussi, hein. Je pensais à l'épisode de et au final on a rigolé un peu quand même après coup. Non mais c'est tu vois, je prenais l'exemple, je pensais à celui-là parce qu'on parlait de Pio Marmaille. À monter, c'est kiffant. C'est comme mater des rushs d'une bonne journée de tournage. Tu réécoutes, tu te remarres à l'écouter. Y a une vanne un peu moins bien, tu la coupes et comme ça, le truc gagne en efficacité. Moi, j'adore faire ça aussi. C'est un aspect créatif. Moi, je viens du montage en plus à la base, qui est un vrai plaisir, même si dans un podcast, ça peut paraître étrange, mais il y a un vrai plaisir créatif autour, quoi. Donc, et qui était aussi le plaisir créatif des 3 lives, de s'amuser. Ça, c'est marrant, c'est le truc qui était chiant, mais où je me suis dit, putain, ça fait quand même aussi partie de l'ADN du truc, je pense, et je m'étais jamais rendu compte. C'est le fait de se surprendre, toi et moi, en fait. En fait, on fait beaucoup de trucs. Faut savoir que le podcast, il y a plein de trucs où on n'est pas au courant. Alors, outre le jeu, où évidemment, Adrien n'est jamais au courant. Mais, là, tu vois, t'as fait les jingles, par exemple, où j'étais pas au courant. Moi, j'ai préparé des jeux, en plus du jeu du podcast, où t'étais au courant de rien. L'épisode avec Benjamin et Morgane. Donc il y a les jeux des chansons paillardes, mais il y avait une meuf, une chanteuse lyrique, mais donc qui à l'époque était donc Maria, qui était juste une meuf en coulisses, et je voyais les gens dire c'est qui cette meuf, et donc on avait prévu avec Blanche qui était directrice de production sur le projet, si on pose des questions, c'est une cousine de Blanche, quoi, mais c'était prévu que personne soit au courant de qui elle est pour qu'elle puisse chanter Frankie Vincent en lyrique sur scène, quoi. Et moi je sais que c'était des trucs qui me motivaient, et j'imagine toi aussi quand tu prépares les jingles, on va faire marrer l'autre, ça va être cool, et les gens ça va être cool. Ouais, de fou. Mais et donc ça pareil, ça fait partie, je pense, du truc ouais, de contrôler ce truc-là et de pas prendre, parce que vraiment, faut ça. Maintenant, moi, je suis même surpris. Et je les juge pas du tout, mais c'est vrai que c'est des, il y a des grosses machines quoi dans les podcasts maintenant. Tu vois, des producteurs, ouais. C'est filmé, faut préparer les TikTok, les reels d'extraits. Il y a un travail en prod. Des fois, ils rajoutent beaucoup de post-production, etc., etc. Moi, je sais que jamais j'aurais kiffé faire ça sur le Floodcast. Vraiment, jamais. C'était C'est, en plus même, alors ça c'est peut-être un truc de trou du cul, mais ça fait partie de la de mon fierté, je sais pas si c'est le mot, en tout cas je suis très satisfait de ce qui a été le podcast pour ça, à savoir c'était vraiment Wayne's World quoi, c'était vraiment un truc qui n'est pas rentré dans les clous de Wayne's World. C'est toujours cet exemple qu'on citait, puisque Wayne's World c'est deux gars dans leur cave, et dans le film en gros ils se font choper par la télé et ils perdent un peu la sève de ce qu'ils faisaient parce qu'ils se font choper par la télé. Et ben là il y avait ce truc de on va pas se faire récupérer par personne, et on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast. Il y a Spotify qui nous avait proposé, il y a eu voilà d'autres boîtes de prod qui nous avaient proposé de qu'on soit en exclu sur Spotify chez eux, ouais, à l'époque. On avait dit non, mais à la limite un autre programme, pourquoi pas, et ils avaient fait non, mais à la limite on serait ok pour faire un sorte autre de podcast, burger quiz ou machin. Avait, ils ont idées. Dit non, on fait pas de podcast, on fait que du rachat, on ne crée pas de podcast à originaux. Du coup, derrière, oui, ils ont, donc une semaine après il y avait un projet avec quelqu'un d'autre qui était un programme original, donc un mensonge vraiment les yeux dans les yeux. Ouais, vous sentez qu'on va pas refaire des podcasts tout de suite. On est en roue libre, putain. J'ai l'impression d'être Zach. Non, mais voilà. Et pareil, c'était ce truc de. Est-ce que c'était de la fierté mal placée? J'en sais rien. Mais quand je vois au bout de 10 ans, je suis trop heureux. Parce que ça a marché. Hein, c'est plus facile quand ça a marché de dire ça. Mais ouais. Je suis trop heureux qu'on soit resté. Ouais, comme ça. Parce que maintenant, je vois même des podcasts qui se lancent. Tu vois, et des bons podcasts. Tu vois, on a reçu Alice Motti qui était là. Mais putain, Alice, quand elle lance son truc, c'est il y a de la vidéo, il y a des gros guests tout de suite, il y a des costumes, etc., etc. Et c'est une façon de faire qui n'était pas la nôtre. Parce que quand on a commencé, moi, j'avais même pas. Enfin, ça existait évidemment déjà, les podcasts, on n'a rien inventé. Mais c'était beaucoup plus. Oui. Ouais, dégueulasse, web radio, c'est dans des caves. Enfin, il y avait vraiment un truc vraiment un peu à l'arrache qui, moi, me plaisait beaucoup plus, quoi. Parce que justement, la toute base du Floodcast, on l'a un peu raconté chez Combini, mais c'est que Golden Moustache se professionnalisait. Et on voit, et Adrien entre autres, mais même tous les gens de Golden, parce que c'était quand même beaucoup des gens de Golden Moustache au début qui étaient invités, on se voyait que dans des réunions d'écriture et machin. J'ai dit, putain, mais moi j'ai envie de causer d'autres trucs avec ces gens parce qu'ils me font marrer et que je les aime bien. Et c'est pour ça que c'est parti au début sur des anecdotes, sur des thèmes, entre guillemets, parce que c'était juste pour causer d'autres choses que du travail, quoi. Et on a osons causer, c'est ce qu'on s'était dit à l'époque, quoi. Oui, j'ai des amis. C'était lui, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je les amis. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Macron. Oui, je suis ami avec Porcinet, visiblement, puisque je suis aussi Winnie l'ourson avec Jean-Christophe. Oh! Jean-Christophe, c'est qui? C'était c'est le petit garçon. L'humain. C'était l'humain de. Jean-Christophe. Jean-Christophe, ouais. Je me demande quel est le prénom original. Jean Rochefort. C'est lui qui jouait la voix off. Non, c'était le narrateur. Je sais bien. À la grande époque, je vous raconte ça. À l'époque. Ça, putain, on savait se marier à l'époque. Non, mais en vrai, moi, je trouve que. C'est pas pour me jeter des fleurs, enfin nous jeter des fleurs, mais en vrai je suis content d'avoir je pense jusqu'au bout gardé ce côté, enfin tu vois, genre on a toujours tout fait tout seul un peu à l'arrache, à nos risques et périls, hein, d'ailleurs, avec un son toujours un peu dégueulasse. On sait toujours pas les mêmes micros qui a 10 ans. Ouais. Il y a un nouveau micro qui a été acheté une fois parce que l'autre avait marchait plus. Mais là, je parle dans un micro qui a 10 piges que j'ai acheté. Je me souviens, j'avais demandé à McFly à l'époque, parce que c'était le gars qui s'y connaissait le plus en son à l'époque à Golden Moustache, qu'est-ce que je dois acheter. Et j'étais allé à Clichy avec ma valise, parce qu'à l'époque, Golden Moustache, je leur ai proposé. Il m'avait dit non. J'avais acheté avec mes sous tout le matériel et c'est encore les mêmes micros. Mais en fait, j'aime bien. Enfin, je sais que c'est un truc. Qui nous tient à cœur tous les deux, le côté tu vois, genre moi j'ai vu L'amour ouf récemment, où le message un peu c'est bien c'est pas assez ou un truc comme ça, et on s'était un peu retrouvé sur le fait que bah si, en fait bien c'est assez, enfin qu'il y a un côté genre t'as pas besoin de... C'est un peu ce truc de youtubeur dont beaucoup sont en train de revenir d'ailleurs, mais le côté toujours plus fort, machin, faut toujours plus en mettre, encore plus plein la vue, plus de moyens, plus de trucs, toujours aller de l'avant, se surpasser, machin. Et je sais que nous, on est un peu raccord sur ce côté. Non, en fait, tu peux... franchement, ça fait quand même 10 ans qu'on fait... pas exactement la même chose, mais quand même plus ou moins la même chose. Oui, bien sûr. On s'est jamais dit, il faut qu'on surpasse et tout. Et en fait, je trouve que, enfin, c'est un message en tout cas que j'ai envie de défendre, et j'ai l'impression que c'est un message qu'on a un peu défendu avec le Floodcast. Ce côté, genre, t'as pas besoin de, enfin, tu vois, il y a pas plus simple qu'un, enfin, c'est si... faire un podcast, c'est simple, quoi. Si justement tu te dis pas faut que je filme, faut que ceci, cela, etc., t'es pas obligé de faire ça. Déjà, tu peux acheter des micros et t'enregistrer avec tes potes, et parce que c'est ce qu'on a fait nous au départ, et c'est ce qu'on a plus ou moins continué de faire jusqu'au bout. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que toi tu vas apporter et humainement, dans ce que tu vas raconter, dans ce que tu vas dire, enfin, tu vois. Et je trouve que c'est aussi un message qui est aussi véhiculé, et encore plus depuis le Covid, j'ai l'impression, par beaucoup de streamers, tu vois, où c'est vraiment, il y a un côté, bah tu peux faire le GP Explorer et tu vas faire beaucoup de vues, mais tu peux aussi être juste dans ta chambre avec une cigarette électronique et faire beaucoup de vues aussi, parce qu'en fait les gens, c'est ce que toi tu vas proposer qu'ils vont venir voir, et en fait moi j'aime bien ce message de genre tu peux faire des trucs à l'arrache, tu peux faire des trucs un peu bancal et tout, c'est pas grave, c'est pas t'as pas besoin de te surpasser, t'as pas besoin d'en mettre plein la vue et tout pour faire un truc qui parle aux gens, qui touche les gens, qui accompagne les gens, qui va peut-être avoir de l'importance pour les gens, etc. quoi. J'aime bien qu'on ait été, qu'on ait un peu porté plus ou moins consciemment ce message-là, en fait, à travers ce qu'on a fait, quoi, pendant 10 ans. Oui, et en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est peut-être très naïf, mais ça n'a pas été fait avec une volonté de faire un truc qui marche, non, aussi. C'est con, hein, mais c'est un vrai truc de... C'est juste parce que oui, c'était... Oui, je parle d'un truc qui n'est pas calculé. On s'est pas dit, tu sais quoi, on va faire un podcast où on va porter ça comme message. Mais c'est juste, naturellement, on l'a fait parce que c'est ce en quoi on croit, quoi. Le seul vrai truc qui a accéléré et qui, effectivement, peut être vu comme plus une stratégie, c'est qu'on s'est dit, viens, on le fait en hebdo, mais qui était même moins une stratégie que, vas-y, en fait, si on fait pas ça, on n'en fera jamais. En fait, on avait tendance, Adrien comme moi, vu qu'on est... En plus, on travaille à côté. ça pouvait... C'est pour ça qu'au début, il y avait des mois, parfois, entre deux épisodes. C'est juste... On faisait d'autres choses, quoi. Et si on se dit non, il faudrait qu'on en refasse un. Ah ouais, putain, il faudrait qu'on en refasse un. Et le temps de se motiver, trouver les invités et de pas avoir une espèce de rigueur de travail, de deadline, vu que c'est que à ça qu'on marche. En tout cas, Adrien comme moi, je sais que la deadline, c'est si tu, en tout cas moi, si tu mets pas une deadline, il peut se passer du temps. Bien sûr, par contre, s'il y a une deadline, ce sera rendu à temps parce que je suis assez carré dans mon travail. Ce sera rendu à temps, mais ce sera peut-être pas. Enfin, je dis ça pour moi aussi, hein. Mais ce sera, c'est ce que dit Lorne Michaels, le chef du SNL. Il dit le SNL, il sort pas parce que c'est prêt, il sort parce que c'est samedi, quoi. Ouais, exactement. Et en gros, bah ça sera peut-être pas parfait, mais en gros, bah ça va exister, quoi. C'est exactement ça qui est important, quoi. Surtout dans le Floodcast, en fait, c'est une vraie c'est un vrai éveil que j'ai eu à un moment, c'était de me dire mais de surévaluer ce que je faisais, je pense. À un moment, je disais, ouais, mais c'est bien de prendre le temps, mais qui était une excuse, en fait, parce que, bah, en vrai, il y en a un toutes les semaines. Donc, oui, peut-être qu'il y a un épisode qui est un peu moins bien, parce que d'un coup, c'est deux invités qui matchent moins dans notre délire. Bon, bah, tant pis, parce que la semaine d'après, bah, y aura un autre épisode et ça se retrouve, ça matchera plus. Et en plus, c'était un peu, quand on a commencé à prendre un peu le pli, c'est de se dire, bon, bah, vas-y, des fois, on met des nouveaux, des fois, on met des copains qu'on connaît bien et on essaie un peu d'alterner pour avoir un espèce de truc de. Parce que, pareil, moi, ça peut paraître un pur mensonge, mais c'est la stricte vérité. J'ai jamais invité des gens parce qu'ils étaient connus, par exemple. C'était juste, je me disais, ah, j'ai envie de les rencontrer. Et j'ai la chance d'avoir un podcast qui intéresse leur attaché de presse pour les faire venir. Pio Marmaille, je pense qu'à lui, apparemment, depuis ce matin, mais voilà. C'était un truc de. Il t'a sans doute ensorcelé, ce druide. Oh, satané druide qu'il est. Quel plaisir. Quel plaisir. Vraiment, ça m'a vraiment marqué à vie, ce moment. De voir derrière toi hurler en disant, et un peu en carafe parce que les gens étaient tellement chauds sur Pio qu'il y avait un applaudissement très long et je le voyais derrière à faire ah je suis ensorcelé et se dire oh merde c'est un peu long mais bon je suis obligé de tenir comment parle-moi oui, parce que Pio je pense qu'il s'est aussi un peu pris quand même une claque de oula ils sont très chauds ah oui mais quel bonheur ah ouais Et bref, et cool, là, il y a un épisode où on peut, vu qu'il y a un peu de promo, il vient, et quand il vient, il kiffe, et après, du coup, il revient. Et quand il vient en druide, il a absolument aucune promo. Ça, c'était le grand plaisir aussi. Enfin, je sais pas, qu'on a réussi à fédérer des gens qui après viennent pour faire des trucs. Enfin, tu vois, le Floodcast raconte, ouais, qui est de la merde. Enfin, genre, je dis, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Et on a eu la crème. La crème de la comédie en France aujourd'hui. Et qui vient faire ça. Et enfin, quelle chance en fait d'avoir réussi à fédérer. D'avoir fédéré aussi bien le public pour qui on a été visiblement un programme important. Enfin, d'après les témoignages qu'on a lus et tout. Et fédérer aussi des gens qui viennent participer pour faire un truc vraiment bancal parce que ils nous aiment bien, quoi. Enfin, tu vois, c'est un vrai plaisir d'être une fenêtre de divertissement débilos dans le monde culturel français, quoi. De se dire, ah, ils vont venir pour se marrer, pour faire de la merde. Mmh. Et c'est vrai que ça c'était très touchant, mais c'est en fait, c'est trop bien parce que c'était. On en a parlé dans des interviews, etc. Mais tu parlais du SNL et tout. Ça a toujours été une espèce de fantasme français de faire ça. Et à chaque fois, dans les. On peut le lire dans les articles, mais qui est un peu vrai, même du petit orteil qu'on a dans le showbiz. Ouais. Les artistes peuvent être un peu frileux de ces exercices-là. D'être, la comédie, c'est là où ils ont le plus le peur d'être ridicule. Donc, la peur du ridicule, c'est encore plus inquiet. Je me souviens de Charlotte Gainsbourg, elle me parlait de ça, elle me disait qu'elle a plus peur de la comédie que des scènes trash avec Lars von Trier, parce qu'elle se dit, mais en fait, une comédie où t'es pas drôle, c'est beaucoup plus humiliant que tout ce que tu peux imaginer dans un film de Lars von Trier. Donc, il y avait vraiment ce truc-là, et nous, je sais qu'avec Golden, avec Canal, il y a eu des tentatives, des machins, voilà, on a fait ce qu'on a pu, ça a jamais été le SNL, disons. Et là, il y avait un truc trop marrant de... Bah, alors, c'est pas le SNL qu'on a fait, loin de là, mais il y avait un truc absurde avec des gens... qui est quand même effectivement assez connu, quoi. Mmh. Et pas que connu, en plus très talentueux. Enfin, gens qu'on trouve trop forts dans leur domaine et qui viennent faire effectivement des trucs débiles, des trucs marrants. C'est très émouvant. Enfin, moi, je sais j'ai partagé ton émotion de... On a vraiment eu un moment comme ça dans la loge. En plus, moi, il y avait ma fille, c'est produit par ma meuf. Donc, en plus, il y a un truc très familial autour de ça, de faire ça depuis 10 ans avec toi. Il y avait Pierre Lapin qui faisait les photos. Enfin, il y avait un truc trop bien de mélange, d'avoir Valentin Vincent avec une fausse moustache de Brassens et derrière Thomas Pesquet avec un saxophone, etc. Les loges, il y avait un truc de... Mais en fait, j'ai tout... Sans faire exprès avec ce projet qui était juste un kiff, un à côté... On a vécu un truc qui est le plus fou de notre carrière en termes de... Enfin, moi, faire mon film a été mon plus grand plaisir de ma vie professionnelle. Mais le truc le plus fou, je pense que ça a été ces trois soirs de... Mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre ? Le matin même, on n'était pas sûr qu'il y avait Thomas Pesquet. On nous dit, mais attendez, vous n'allez pas du tout l'interviewer. On dit, nous, on n'a pas trop de créneaux. S'il vient, c'est juste pour faire du saxophone. Et on nous dit, mais en fait, il n'a pas joué du saxophone. La dernière fois qu'il a joué du sax, c'était dans l'espace. C'est pas un mec qui joue tous les jours. Et on a dit, je veux pas le savoir. Il a dit, mais il va se mettre en loge avec des saxophonistes pour répéter. Enfin bon, bref, une espèce d'énorme bordel. Et tout le monde y est allé. Clara Luciani, elle a pris l'avion, elle arrive à 15h, elle a un concert le soir, elle vient dans un créneau d'une heure et demie, elle fait la truc, elle se marre sur scène. Ça, c'est très émouvant, quoi. Il y a un truc de confiance dans un grand n'importe quoi qui était effectivement complètement dingue. Que je pensais vraiment pas. Même il y a deux semaines avant, je pensais pas que ce serait à ce point, quoi. Donc imaginez 10 ans avant, quand on était dans les salles de réunion de Golden. C'est là où l'histoire, elle est trop belle, quoi. C'est qu'il y a un truc de. C'était tellement pas prévu, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est toujours un storytelling chelou de dire putain, c'était pas prévu et regardez où on en est. Mais là, vraiment, moi, c'est la première fois. Oui, mais parce que je me suis toujours donné les moyens, personnellement, dans mon travail, de me donner à 1200% pour que les trucs puissent fonctionner. Et là, c'est vrai qu'il y a un truc, on a bossé, c'est une hebdo, c'est fatigant, mais c'est tellement débile, c'est tellement jouissif qu'un truc bête comme ça puisse marcher. Que c'est encore plus satisfaisant, j'ai l'impression. Ah mais parce que tu dis storytelling à la con, mais en vrai, Il y a tellement aussi, encore plus, de plus en plus en ce moment, mais un storytelling inverse qui met vachement en avant l'ambition. Ouais. Genre, il faut avoir de l'ambition, il faut faire ça, il faut être, faut travailler, faut être un boss, il faut avoir tu vois, des objectifs et tout. Et en vrai, peut-être, mais le fait est que, en tout cas, pour nous, ça a marché, et je pense que ça peut marcher pour beaucoup de gens. Nous, on a été vraiment guidés par juste le plaisir de faire ce truc depuis le début. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, c'est rémunérateur, mais il faut quand même rappeler qu'on a fait quand même pendant 7 ans gratos, quoi. On a touché zéro. Rien du tout. Et attention, hein, l'argent, je crache pas dessus du tout. C'est cool. Non, mais tu sais, ça doit jouer un peu hein, aussi, mine de rien, de se dire ah, parce qu'il y a des gens qui se lancent et qui ne gagnent pas d'argent tout de suite et qui se disent putain, mais je vais pas faire ça 1000 ans parce que ça me coûte de l'argent. J'écoutais les podcastos. Qui eux pour le coup sont dans un truc plus filmé, etc., réseaux sociaux. Souvent ils disent en fait nous on a besoin de pognon. Et je comprends parce qu'ils ont des grosses ambitions. Mais c'est vrai que nous on était tellement à l'arrache. Et en fait l'argent n'était tellement pas une question. On a revécu un peu le début de YouTube en vrai avec ce truc. Ouais. Mais ce que je voulais dire c'est excuse-moi Non mais t'as raison. Mais en gros c'était aussi tu peux faire un truc sans ambition et ça marche aussi, quoi. Ouais. Et juste parce que tu le fais pour le plaisir et ça va être ça le moteur et pas ton ambition, quoi. Ouais. C'est plus le plaisir que tu prends à faire le truc et pas avoir le regard sur ton objectif qui... Enfin, moi, ça fait aussi partie... Alors, des fois, c'est important d'avoir des objectifs. J'imagine, moi, j'avoue que je marche pas trop comme ça. Mais c'est pour dire aussi... utiliser ton plaisir de créer comme moteur et ensuite de t'adapter à la forme que va prendre le truc que tu fais pour le faire évoluer ou pas ou continuer enfin c'est aussi une façon de fonctionner. Alors ça ne marche pas dans tous les domaines. Nous on a la chance de voilà, c'est un projet qu'on a fait de notre côté. Évidemment quand il y a des enjeux financiers et tout, ouais, c'est plus compliqué. On travaille à côté. Voilà, c'est plus compliqué. Qu'on l'a fait gratos, c'est parce qu'on vivait à côté. Mais c'est pour dire parce que je sais qu'il y a un peu une vanne de dire il y a trop de podcasts. Oh là là, les gens ils font des podcasts, il faut leur couper leur micro et tout. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de trous de balles qui font des podcasts pour dire des mascus de merde. Ouais. Et tout, et je comprends la blague, mais en vrai, moi je trouve ça trop bien qu'il y ait plein de podcasts. Oui. Faites des podcasts, voilà, je vous le dis, c'est facile. Ouais. C'est comme arrêter de faire des TikTok, arrêter de faire des photos sur Insta. Oui, voilà. C'est une appli qui permet. Il y a plein de merde, mais dans la merde, il y a des trucs cool qui naissent, et en vrai. En vrai, il y a un petit investissement au début d'acheter des micros et tout. Et en vrai, allez sur Thomann, ils ont leur propre marque et ils ont des casques à 20 balles qui sont très bien, des micros qui coûtent rien et tout. Ouais. Enfin, qui coûtent rien, c'est un investissement pour plein de gens. Mais c'est. Faites ça avec vos potes, faites des trucs. C'est pas pour vous dire. Vous allez finir à la salle Playel avec Pio Marmaille, Daisy Android. Mais c'est pour dire, vous allez kiffer. Et pourquoi pas. S'il leur fait, je serais vexé. Non, mais je veux dire, vous allez potentiellement juste kiffer de faire ça et c'est déjà trop bien d'avoir ça dans sa vie. Je dis même pas que ça va marcher, je dis même pas. Non. Mais juste, c'est cool et franchement, moi, pour être un consommateur de podcast, je sais. Enfin, je sais que moi, les journées où il n'y a pas de. Les jours où il n'y a pas de podcast que j'aime bien, podcast. Je veux pas être, après 10 ans, être cette personne qui dit podcast. Il n'y a pas de podcast que j'aime bien qui sort. Il y a un côté genre, ah putain, je vais faire la vaisselle sans rien écouter. Super. Et je sais la place que ça peut avoir dans la vie et tout. Et pourquoi pas tenter d'offrir ça, même si c'est à 10 personnes, c'est déjà trop bien, quoi. Et, bah, de ouf. Et donc, oui, la blague de tout le monde fait des podcasts. Tout le monde fait du stand-up aussi. On ne dit pas la même chose. Donc... Oh, ça commence. Ça commence un petit peu. Mais oui, et puis, c'est vrai qu'il y a un truc cool. Moi, c'est ce que j'ai kiffé aussi avec le podcast, c'est que. Je suis pas très bon en société, je suis pas très bon pour parler aux gens, je suis pas très bon pour entrer dans un cercle de gens, me présenter, je me juge beaucoup. Avec Fianso aussi, tu l'avais fait quand t'étais rentré dans le cercle, je me rappelle. J'ai cherché une anecdote avec Fianso. Je crois pas que j'ai rencontré Fianso. Oui, mais j'avais lâché un pur 16. Donc ça, moi, en fait, quand c'est dans mon milieu qui est le rap, oui, là je suis à l'aise. Oui. Je parle plutôt en soirée, machin. Ouais, jamais été bon à ça, jamais été doué et toujours à me juger après en disant oh là là, j'ai été atroce et tout. Ça a été mon bon exercice, le podcast, ma bonne excuse pour rentrer. Et en plus au début, quand c'était des thèmes, il y avait un truc logique presque d'interview même, mais de pouvoir parler de plus normalement, quoi. Enfin, que moi dans la vie, c'est-à-dire que moi c'est plus chaud de me parler dans la vie. Les gens qui ont eu des interactions avec moi dans la rue le savent, je suis pas très à l'aise. Mais là, dans des micros où du coup je m'intéresse aux gens, où je pose des questions, etc., etc., moi c'est vrai que ça m'a vachement aidé et ça a été ma vie sociale, entre guillemets, pendant 10 ans, de rencontrer des gens, de revoir des potes. Moi j'ai pas le réflexe des fois de dire putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens, on va bouffer. Là, c'était ce truc de putain, ça fait longtemps qu'on a pas reçu Valentin Vincent ou Justine Lepotier dans le podcast. Viens, on l'invite, quoi. C'était ma façon de les voir. Et je savais qu'on allait se marrer et que ça allait être cool. Donc ça, c'était aussi l'autre raison. C'était pas juste faire un truc pendant 10 ans pour ensuite faire la salle Playel. Voilà. Ce qui dit un truc catastrophique sur nos aptitudes sociales. Oui, tous les deux, c'est une catastrophe. Je pense que beaucoup d'auditeurs nous partagent ça avec nous. Partagent ça et puis ils sont pas surpris. Que je pense. C'est ça, oui. Oui, c'est pas le twist de fin. Attendez, ils sont pas méga pas cool. Vous n'êtes pas cool. Vous qui avez imité Mitterrand jusqu'au dernier instant, un président, il y a des gens qui sont nés, ils ne savent même pas qui c'est, quasiment. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le bébé de show. Hein, ah oui, parce que c'est pas n'importe quel Mitterrand. C'est le Mitterrand d'une émission. Ah oui, non, bien sûr. C'est sincère. Moi, je suis content. C'est de la avec cette merde, on a plus de 10 ans. Et ça a plu quand même. Il y a pas de recette, c'est ça aussi le truc qui est cool aussi. C'est sur le papier, moi on pitcherait le Floodcast, je dirais oui, bon non merci quoi. Moi j'ai toujours honte hein, parce qu'on a reçu Junio qui a fallu réexpliquer les règles, j'ai toujours c'est du talk, c'est un grand mot, mais tu sais toujours ce truc de oh, il y a vraiment pas, tu vois, quand Patrick Bouy il a lancé son podcast, je fais bon bah en vrai c'est du talk, mais il y a un concept tout simple, mais clair. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que quand t'es intéressé, t'es intéressant. Oui. C'est trop bien à expliquer à un invité. Quand tu commences à dire, alors, ouais, on va discuter d'actu un peu insolite. Le mot insolite me dégoûte, je peux le dire au bout de 10 ans. Un peu insolite, un peu rigolo, enfin, tu vois. Oui. Mais en vrai, moi, tu vois, je suis un peu. J'avoue, ça m'énerve un peu parce que quand il y a des articles sur nous, on est tout de suite. Et après, bon, c'est de bonne guerre. Mais résumé à pipi caca sperme. Alors oui, certes, ça fait partie des choses dont on parle. Ça fait partie de nos piliers. Non, mais oui, mais en vrai, c'est quand même pas que. Enfin, on parle de plein de trucs. Ouais, bien sûr. C'est pas que ça. Évidemment, on retient toujours ça. C'est nos gros fous. C'est aussi une façon. Mais parfois, je trouve qu'il y a aussi un peu une volonté de nous dire calmos, vous êtes quand même juste des débilos qui parlent de caca. Tu crois que c'est ça? Parce que pour le coup, ça, on le sait, c'est ce qu'on a toujours dit. Non, mais oui, non, mais on n'a pas parlé que de ça, quoi. Ah non, je suis donc quand avec on toi. Est résumé à ça, il y a un peu, je trouve, une volonté de nous dire oui, avec votre podcast, oui, vous faites la salle Playel, mais bon, ouais, calme-toi. Ouais. C'est peut-être moi qui suis un peu sur la défensive, mais c'est le sentiment que j'ai, parce que quand c'est chaque article qui dit ça. Il y a un côté. Après, je pense qu'il y a aussi un vrai truc, mais ça, c'est plus notre humour régressif. Parce que, tu vois, moi, je remate souvent des trucs des nuls ou des Robin des Bois et tout. Et c'était ça aussi, des blagues de prout et machin. Il parlait de la guerre du golf et en même temps, il faisait des blagues de prout. Je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'était que, du coup, ça m'énervait. Et en fait, assez récemment là, je me suis dit même si on n'était que ça. Ce qui pour moi n'est pas le cas, en fait, des fois, oui, parfois t'as envie d'écouter Augustin Trapenard et des fois t'as envie d'écouter deux débiles qui disent Mitterrand, machin, et en fait. J'ai re-ri, hélas! Et en fait, même si on était que ça, j'ai pas honte de ça. Parce que même les plus grands auteurs, même les Victor Hugo et tout, des fois ils écrivaient un texte sur le Prout ou je sais pas, peut-être pas Victor Hugo, j'en sais rien, mais il y a toujours eu des exemples en fait de. Ça s'appelait Notre-Dame du Prout à la base, mais c'était une V1, après tu peux pas lui en vouloir. Quasimo chiasse. Non, mais... Il avait pas une bosse, mais des grosses couilles. Les grosses couilles à Quasimodo. Bon, voilà. Alors vous voyez, voilà. Donc arrêtez de faire des articles sur nous. C'est brillant ce qu'on dit. Non, non, je dis pas que du non, tout. Je suis pas en train de nous comparer avec Draco. Ouais. Mais tout le monde. Tu vois, Alfred de Musset, il a écrit des trucs sur les chiottes et tout. Mais je crois, c'était notre écrit. C'était notre écrit. Et non, mais en fait, ça m'énerve de ce côté un peu condescendant de dire ah oui, vous parlez de ça. Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde a envie. Un moment d'entendre ça, quoi. Et moi je suis en vrai, je suis fier de pas être le gars qui me pince le nez et dit oh non, bah moi je ne ris pas de ça parce que moi je ne ris que des choses intelligentes. Bah, t'es sans doute pas si drôle. Pardon, mais non, mais en vrai, je sais plus, putain, je vais écorcher le truc, mais je trouve qu'il y a un côté, si tu t'interdis de rire de certains trucs parce que tu trouves que c'est pas à ta hauteur, de ton niveau, bah c'est sans doute que t'es pas si marrant que ça, parce que pour moi, si t'es vraiment t'aimes la comédie, tu ris des trucs les plus bas du front et des trucs intelligents, et tu ris de tout ça. Et les gens qui ne veulent rire que des trucs, attention, c'est un petit peu sophistiqué, alors attention, parce qu'il y a une référence. Oui, bon, bah c'est plus ton ego qui parle, et en fait, quand tu fais une blague, t'as moins envie de faire rire les gens que de montrer que tu es intelligent. Et je trouve que c'est pas, ça manque de sincérité et de générosité dans l'humour, ça. Et donc moi, si même si on me résume à péter dans son froc et spermer dans une bouteille, et ben très bien. Gardez ça de nous. Très bien, ouais. Avec plaisir. Parce que tout le monde a envie de parler de ça à un moment dans sa vie. Oui, moi je pense que c'est aussi pour ça. Alors je l'ai pas auto-analysé que toi, mais j'ai l'impression que c'était un truc de. Bizarrement, on est un peu solo là-dedans aussi. D'avoir un humour justement parfois un peu bas du front, un peu con. Peut-être. Dans le podcast en tout cas. Un truc que tu retrouves beaucoup plus sur Twitch. Et d'ailleurs, c'est marrant, ouais. Parce que récemment j'ai vu. Il y avait les fameuses soirées du lundi avec Zerator, Angle Droit, Antoine Daniel, tout ça. Mmh. Et à un moment, ils sont partis en délire à imiter Johnny pendant 20 minutes. Mmh. Et les candidats, c'est genre, oh, l'impression d'écouter un floodcast. Ah ouais, c'est ah. Parce qu'en fait, il y avait un truc très régressif. Ils nous ont plagié pour moi. C'est du plagiat. Je plaisante. Il y a un truc très régressif débilos. Et effectivement, alors, moi, ça, j'en suis ultra fier, le côté régressif. Ah ouais. Parce que je trouve que. Alors, j'ai pas beaucoup d'avis sur la société actuelle, mais en tout cas, il y a un vrai truc de se prendre au sérieux tout le temps qui, moi, me rend fou. C'est-à-dire que les gens parlent de rire de tout, et rient de toi, en fait, déjà. Tu vois, enfin, il y a un vrai truc où, vu que tout le monde fait son propre storytelling maintenant, et d'ailleurs, même nous, on le voit. C'est-à-dire qu'à force de dire tout le temps, bon, on est un plagiat des grosses têtes, tout le monde nous présente comme, alors ce plagiat des grosses têtes fait, oui, on le sait, on l'a dit au début, enfin, tu vois, on l'a dit un peu en blague parce qu'en vrai. Plus, c'est non, parce qu'en fait, si c'est vrai, parce que c'est un marronnier des podcasts, de la radio, pardon. Le 6-9 faisait ça. Je suis tombé sur Combal récemment, il fait ça. Enfin, de prendre des actus marrantes pour rebondir et discuter, c'est un truc de radio. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, j'ai surtout grandi avec la radio des années 90 et le floodcast. Je pense que c'est en ça le côté régressif, c'est que c'est plus une émission enfant de la radio régressive fin 90, début 2000. De ces années-là, d'Europe 2, de Énergie à l'époque, etc., etc., plus qu'un podcast comme les gens l'ont maintenant, qui effectivement, tu regardes les top podcasts, l'humour est soit très dans l'actu politique, et sinon c'est des trucs très sérieux, des trucs de true crime, des affaires sensibles, des interviews de Guillaume Play, des trucs qui sont dans autre chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on est vite catégorisé, humour débile, pipi caca, machin truc. Mais en même temps, on revient à ce qu'on disait avant, avoir ça et quand même recevoir les gens qu'on a reçus et qui sont contents d'être là et qui reviennent, ça, moi, c'est vrai que, encore une fois, moi, j'ai grandi avec les Romain Desbois et les Nuls. Et d'avoir ce mélange-là, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, moins au cinéma, parce qu'au cinéma, je suis plus touché quand il y a des mélanges de comédie et d'émotion. Mais alors dans de la radio, alors là, allons-y quoi. Et en même temps, je trouve qu'il y a eu des vrais moments aussi en radio où des gens nous parlaient d'anecdotes personnelles, de trucs tristes, de trucs émouvants, des recos culturels. Moi, je suis toujours agréablement surpris quand il n'y a pas de recos culturels ou machin. Les gens disent « Eh ouais, les recos culturels !» Il y a toujours quand même un truc de... Ouais. Ça fait partie de ce qui nous fait plaisir aussi, de repartir avec un petit morceau de culture, mine de rien, et à mater chez soi ou à écouter ou peu importe quoi. Donc on vous emmerde en fait. Non, celui-ci. Non, je rigole. Celui-ci. Alors, juste comme ça, premier épisode, saison 1, épisode 1, 7 mars 2015. Durée 59 minutes. Et ouais, 7 mars 2015. Donc, en fait, on a fait plus de 10 ans. Hein. On a quand même fait. On a dépassé de quelques mois. Et effectivement, on a enregistré à Golden Moustache. On a eu plusieurs décors. On a fait Golden Moustache chez moi quand j'ai vécu dans le 15e, chez moi actuellement, les locaux Ninja et associés, et chez Squeezie. Ce qui était chez Squeezie, et il y a eu un épisode chez moi. Et un épisode chez toi avec Anis et Aurélien. Anis qui a dit, mais je croyais qu'il y avait de l'oseille dans le floodcast. Car mon appart est déprimant aux yeux des gens, de par sa petitesse. Ouais, c'était pendant les premiers mois de Johan, je me souviens très bien. Oui. Les premiers mois de Johan. Vraiment, ils étaient assis sur le canapé avec les micros sur les genoux et mon chien qui traînait à côté. Et il y avait un côté, oui. Non, on en a fait deux chez moi d'ailleurs. Ah, on en a fait un tous les deux. Ah oui, on appelait les gens. Made, c'était chez moi. Ah, c'était chez toi ça? Ouais. Ah, putain, je me souviens plus. On en a fait beaucoup en même temps. Là, c'est le 250e. Celui-là là? Celui-ci. Waouh. Ah non, mais moi, t'es propre. Voilà. 250 carré, voilà. Épisodes. Voilà, voilà, 10 ans, chiffre rond, nickel. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Adrien Méniel? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Est-ce que déjà, et sans rien. Nouvelle appart déjà. Ouais, sans évidemment rien annoncer parce que voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que t'as des envies d'autre chose ou pas spécialement? Est-ce que là pour le moment t'es juste dans un truc de bon, j'ai fini ça, on va voir. Ben, écoute. Fidèle à ce que j'ai dit tout à l'heure, pas d'ambition. Donc, ouais. Non, en vrai, j'aimerais. Pourquoi pas. Parce que j'aimerais bien. Parce qu'on me pose la question de temps en temps. Mais refaire un podcast. Après, c'est compliqué. Je sais pas sous quelle forme j'aurais envie de faire un podcast. Moi, il y a des gens qui me disent, mais fais comme Bill Burr, fais un podcast tout seul. Je fais, oui, non, mais ouais. Je suis pas Bill Burr déjà. Et puis, moi, le côté, je pense que je sortirais trop de mon corps en train de, et pour me regarder moi-même faire un podcast tout seul comme un vieux fou. Non, mais en plus, il y a un vrai truc. Moi, je sais que c'est une des raisons. Qui est Twitch, hein, cela dit. donc, oui, mais t'as le chat. Oui, il y a le chat, voilà, c'est différent. C'est quand même, c'est peut-être. T'as un rapport au public direct, mine de rien. Il y a un truc. Mais ça, c'est un truc dont j'avais pas parlé moi dans l'épisode où on annonçait la fin, parce que l'idée c'était pas non plus de se répandre dans des. Moi, je sais qu'une des autres raisons pour lesquelles je voulais arrêter, c'est que je pouvais plus me blairer à m'écouter. Ça, c'est un vrai truc. Je te l'ai déjà dit, hein, mais c'est truc de, au montage, d'être saoulé par mes vannes, d'être saoulé par donner mon avis sur des trucs, d'être saoulé par. Mais pour qui tu te prends. Enfin, vraiment, une espèce de rejet, un dégoût de moi-même. Et qui fait que souvent je me coupe dans le podcast et le podcast fait que t'es obligé de parler de toi pour aussi lancer les invités. Enfin, c'est un truc logique, sinon ça devient juste une interview, quoi. Et c'était pas l'épisode, ça, c'était pas l'émission. Mais voilà, à réécouter, moi ça devenait chiant, quoi. J'avais un truc de, fait 10 ans que je parle dans un micro pour parler de plein de trucs. Autant être invité chez des gens, j'ai l'impression d'être pris par la main et donc ça peut me faire marrer, tu vois. Mais là, de driver le truc toutes les semaines et toutes les semaines pendant. 1h30 à 2h parler de trucs, je me suis vraiment saoulé, quoi. J'ai un truc de mais ferme ta gueule. Donc, donc c'est aussi pour ça que moi, par exemple, tu vois, ce truc d'exercice solo, j'en serais tout bonnement incapable. Mais moi, un peu différent de toi, c'est pas que je me suis saoulé en réécoutant les floodcasts, les derniers et tout. Mais en revanche, je me suis dit. Une des raisons, enfin, de toute façon, je trouve que c'est la bonne décision d'arrêter maintenant et tout. Mais je pense qu'une des raisons, c'est que je me suis dit, mon personnage de mec sarcastique, un peu ronchon, nanana, je pense que d'ici 2 ans, ça aurait très mal. Enfin, tu vois, là, j'ai 45 ans. Déjà, je pense que je suis sur la bascule de genre. Au début, c'est genre, ah, il est marrant parce qu'il est ronchon et tout. Au bout d'un moment, on aura dit, ferme ta gueule. ta gueule, en fait. Tu vois, je pense que les gens écoutaient. Oui, oui, bah, tu te plains. Ah, c'est marrant. Ferme-la, en fait. je pense que je serais devenu. Je serais passé de, ah, ronchon, c'est marrant. Ah, relou, quoi. Je pense qu'en vieillissant, je pense que mon. Alors, je dis personnage, c'est malheureusement. Ma personnalité. Oui. Mais non, mais tu pousses les petards dans un aspect. Mais bien sûr. Voilà. Non, mais je dis aux gens, toi, je sais, je pense que tu le sais. Non, non, mais oui, oui. Ouais, bah, les gens le savent pas forcément. Bah, c'est pour mais, ça que je me permets. Mais je pense que c'est un truc qui aurait très mal vieilli. Et donc, je me dis, c'est bien qu'on arrête avant que vraiment je sois juste détesté par les gens qui m'aimaient bien avant. Donc du coup, effectivement, c'est aussi ça qui fait que c'est compliqué d'envisager l'avenir, parce que enfin l'avenir dans un autre podcast. Au-delà du fait que bah en fait nous ça a marché aussi parce que c'était l'alchimie qui marchait bien. Ouais, de ouf. Et de recommencer tout seul, ce serait enfin déjà retrouver quelqu'un, enfin un co-host avec qui, enfin tu vois, c'est compliqué quoi. C'est un peu comme se remettre en couple après après 10 ans. Tu fais genre ça, bah, ça marche, mais pour recommencer à zéro, voilà, putain la flemme quoi. Tu es inox tag en bas de l'Everest à ce moment-là. Tu dis, est-ce que vraiment j'ai envie de gravir cette montagne? Ouais. Évidemment. Et non. C'est ce qu'on disait. Et tu n'as pas l'esprit Kaizen, non, donc. J'en ai pas du tout. Pas du tout. Et donc voilà, j'y réfléchis. Peut-être que dans un premier temps, et je dis peut-être, hein, vraiment rien n'est prévu, revenir sur Twitch, peut-être de temps en temps. J'avoue Twitch, que ça te va trop bien en plus. Moi, je trouve que c'est vraiment un exercice où t'es. Enfin, il y en a plein, mais là, je trouve que tu trouves vraiment fort sur Twitch parce que ça allie. Déjà ton humour et ton fait que t'es à l'aise quand tu parles, etc. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je continuais le podcast, c'est parce que c'était le plaisir de le faire avec toi. Et c'est un truc où j'ai toujours été très admiratif, parce que moi, je me trouve nul en direct. Je pense que je suis marrant derrière un clavier où je peux réfléchir à ce qui est marrant et brainstormer, et je fais 9 blagues nulles pour une blague drôle, mais c'est ma façon de voir mon travail, quoi. Là, le côté en direct, on faisait la blague du sniper, mais c'est en ça que t'es fort, et je trouve que du coup sur Twitch ça allie ça et ton côté geekos, jeux indés, bidouiller des trucs pour des petits moments, tout ça, ça te va super bien, quoi. Ouais. Mais donc fais ça tout de suite. J'y pense, j'ai un peu. Et je pourrais venir toutes les semaines. Ouais. Ah, et on pourrait parler d'actu. Il y aurait des rencontres culturelles à la fin. Non, mais en vrai, ouais. Moi je serais trop content que de temps en temps. Si jamais je reprends Twitch, que tu reviennes. Que tu reviennes. Oh, je ne m'y attendais pas. Je ne l'attendais plus. Non, mais en vrai, alors. Je sais que tu. Parce que là, bon, tu viens de chanter. Ouais. Et en fait, ça m'a fait penser. Non, mais en vrai. Que les gens se sont régalés pendant 3 jours. C'est ça que t'es en train de dire? Non, mais c'est. Je trouve que quand je parlais du truc de. Je suis content de ce truc qu'on a véhiculé, de genre on n'a pas besoin de faire le truc le mieux et tout. Non, mais en vrai, comme un truc. C'est que moi, je trouve que toi, t'as été vraiment moteur de ça, et j'ai toujours été admiratif de ça, parce que moi, je suis pas tout à fait. Tu vois, genre, en gros, bon, je vais pas te surprendre en te disant que parfois tu ne chantes pas. Quoi? Où tu vas là? Pas forcément très juste, enfin, quoi, tu vois, ça se joue à quelques... Oh, le multiplat qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un multiplat, mon pote. Mais c'est toujours toi qui a dit, on fait une chanson, même dans les épisodes pas en live, où t'as fait plein de jeux basés sur le chant et tout, qui sont devenus cultes. Non, mais en vrai, des trucs... recettes de cuisine sur Balavoine, c'est non, quand mais, même... Qu'on toujours... Et là où moi, j'ai même jusqu'à la salle Play, où j'étais un peu plus en stress de ah ouais, non, mais moi, par contre, j'ai envie de chanter juste et tout. Où toi, t'avais un peu plus un côté je m'en bats les couilles, je sais que je vais pas chanter juste, mais c'est pas. Comment dire? On n'est pas là pour proposer un show à l'américaine Broadway, on est là pour juste proposer une intention, un truc marrant, et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on le fait quand même. Et je trouve que ça, c'est le symbole de ce dont je parlais tout à l'heure, quoi. Ouais. Du côté, oui, on va faire une chanson, je vais pas être juste par moment, c'est pas grave, parce que c'est pas grave de pas faire un truc parfait. Et je trouve ça, j'aime bien ce message-là, quoi, tu vois, dans le podcast, d'autant plus parce que, mais je redis, bon, ce qui est ma spécialité en ce moment, je me suis rendu compte que, bah, toi, tu t'en es rendu compte, je pense, et ça te rend fou d'ailleurs, c'est que quand je laisse des audios, je dis un truc, et à la fin, je résume ce que je viens de dire, donc je fais des audios, je dis deux fois la même chose. Mais ce qui est fou, c'est que tu résumes à la fin, ce qui serait génial, c'est l'inverse, si tu résumais oui, au début. Sauf que ça voudrait dire que j'aurais préparé mon audio à l'avance, et donc en fait, je pense que c'est un réflexe. Presque pro de dire je fais ma V1 parce que bon donc je fais ma V1 et après je fais ok donc maintenant j'ai le faut juste que t'appuies plus tard sur le bouton micro faut que je commence à parler sans appuyer et voilà. Mais du coup, je dis deux fois la même chose, ce qui est terrible. Et donc là, j'étais sur le point de le refaire, mais c'était pour dire aussi, il y a tellement le message inverse qui est mis en avant, véhiculé de plus en plus, de genre, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit nickel et tout. Je suis content de véhiculer l'inverse. Ouais, parce que ça allait avec ce truc-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur le cinéma, c'est pas ça du tout. Je suis vraiment, je fais des répètes tout le temps. Je suis très minutieux. C'est à l'image près au montage et je vais pas en mode regardez le mec précis que je suis. C'est juste pour moi c'est normal. Enfin, il y a pas de. Dis pas que ça peut s'appliquer à n'importe quel exactement, projet. Exactement, ouais. Exactement. Et c'était ça. C'était en ça que le Floodcast était aussi la grosse récré. Parce qu'encore une fois, les Robin des Bois, parce qu'encore une fois, Cad et Olivier, ouais, qui font Chantons sous la pluie, où juste l'idée, c'est que Cad boit un verre d'eau, l'avale pas, met sa tête en arrière et chante avec de l'eau dans la bouche. Mais moi, ça, je me souviens des larmes de rire, ouais, chez moi, devant Comédie. Ouais. Et ça, je me suis toujours dit, mais putain, ça, on vient de YouTube, qui était quand même le truc le plus roots que devait être la plateforme. On a vécu la professionnalisation du truc, et c'est génial parce que ça nous a permis d'apprendre notre métier. Mais du coup, j'ai jamais pu faire ce truc très roots d'internet parce que vu que je suis pas en plus à l'aise avec mon image, que j'aime pas me filmer, que je fais pas des stories avec ma gueule très rarement, etc. Putain, le faire que à l'audio, mais quel bonheur, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai aucun problème à chanter mal Balavoine devant 2000 personnes en faisant des caisses, parce que pour moi, on est presque dans l'art du cirque, quoi. On est dans l'art du clown bordélique on chie par terre et c'est marrant, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était, je suis content de l'avoir fait et peut-être d'ailleurs, j'espère un jour le refaire quand, enfin, tu vois, en tout cas, c'était une vraie parenthèse enchantée là-dessus, de pouvoir faire ce truc-là et ça m'a beaucoup touché, même si eux, ils bossaient beaucoup, mais, je sais que c'est des moments qui comptent, quoi. Je sais que, tu vois, quand Junio, il est venu la semaine dernière et qu'il parlait du Splendide sans qu'on le lance particulièrement, c'est juste qu'il parle de bons moments du passé, il parle de ces moments-là parce qu'il y a la liberté, parce qu'il y a la folie, parce que d'un coup, tu te dis on est libre de faire ce qu'on veut. Et ben moi, je sais que les années Floodcast, ce sera ça toute ma vie. Ouais, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai pu faire nawak, que les gens étaient contents. Jusqu'à que... dire nawak, par exemple. On peut plus nawak. Ah, c'est fini. Nawak Madani, d'ailleurs. Non, mais oui, pour faire n'importe quoi. Et les gens étaient OK avec ça. Ouais. Et jamais de la vie, je ferais au cinéma des trucs aussi cons que j'ai fait dans le Floodcast, quoi. Parce que personne ne comprendrait. Oui, en fait, il y avait ce truc magique de, il y a le droit. Dans ce truc-là, les gens sont OK, ont compris le délire, comme à l'époque, le câble faisait ça, YouTube a eu ça, il y a un peu ça sur TikTok. Là, il y a eu le droit et on a profité à 2200%. Et honnêtement, c'est aussi pour ça que je trouve ça cool d'arrêter maintenant. C'est con à dire, mais je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus, pas en mode ambition, mais en mode, on est allé au maximum de ce qu'était le Floodcast, à savoir... Ouais. On a déguisé Pure Mama et Android. On a chanté Balavoine devant 2200 personnes en faisant la recette de la moussaka. On a fait une chanson, enfin, t'as fait une chanson entière en l'occurrence sur le bug ça a commencé, etc. Enfin, voilà, on a poussé tous les trucs et voilà, maintenant, que faire de plus à part se répéter, à part faire des salles plus grosses, c'était pas l'idée non plus. On aurait pu faire un zénith comme ça, mais c'était pas selon nous l'ADN. Et donc du coup, bah génial, quoi. Mais moi, enfin, c'est pas pour, encore une fois, c'est pas pour dire tout le monde doit faire ça, mais parce que moi je vois souvent des gens dire, même pas pour parler du podcast, mais sur YouTube ou sur Twitch, dès que il y a des gens qui commencent sur la plateforme à faire des trucs très pro, très télé et tout, les gens ils disent ah ok, donc Twitch ça y est, c'est devenu la télé, donc il y a plus de place pour les gens tout seuls dans leur chambre. Je persiste à dire, c'est faux. Les deux peuvent exister. Et en fait, le truc, c'est que jour après jour, il y a des gens qui prouvent que c'est faux, que tu peux cartonner sans être. Tu vois, genre, je vois un mec comme Anime, qui, le gars, il est arrivé sur Twitch, il y a son linge qui sèche derrière lui. Ouais. C'est pas le GP Explorer qui fait. C'est juste un gars, et en plus, pour le coup, il fait des imitations. Enfin, c'est vraiment. Enfin. Juste, il y a toujours des preuves sans arrêt de gens qui arrivent, qui sont à l'arrache et ça marche. Et les deux peuvent exister, quoi. Et je pense que ce discours fataliste de genre, ah ça y est, Twitch est devenu la télé, maintenant il n'y a plus de place pour les trucs sans moyens et tout. Moi, j'y crois pas parce que les gens, ils ont envie autant de voir Eleven All Star que. Un gars qui fait des imitations dans sa chambre parce qu'il est marrant et parce que tu sens une proximité et tout. les deux existent, les deux fonctionnent, les gens ont autant envie des deux. Et oui, parce que les gens, c'est très large, c'est ça le truc. C'est, et c'est très large, mais même une seule personne peut. Moi, exact. J'ai autant envie de regarder Eleven All Star que Anime qui fait des imitations dans son appart. Ouais. Les deux, on a autant envie des deux, quoi. Il ouais. y a pas de. Je pense que c'est un délire de créateur de contenu de se dire waouh ouais, putain machin, il a fait un truc énorme, faut que je fasse pareil, sinon je vais être largué. C'est pas vrai, je pense que c'est mal comprendre ce qu'est le divertissement, en fait, a fortiori le divertissement sur Internet, parce que les gens ont envie de aussi bien des deux trucs. Quoi. Je pense que refais le truc où je redis la même chose. Non, mais c'est peut-être très naïf ce que je vais dire, mais j'y crois beaucoup. Les gens ont besoin de sincérité, de toute façon, ouais. en tout, oui. mais en tout, c'est global, c'est que c'est la sincérité, alors il y a des très grands manipulateurs, mais il y a la sincérité, déjà d'une, ça rend le succès encore plus jouissif, parce que bah, si tu t'es forgé sur un truc qui est pas toi et que ça marche, bah, en vrai, bah, bravo à toi, mais c'est moins, ouais, bah, oui. tu vois, c'est pas, voilà, là, la sincérité, le fait de mettre sur la table ce que t'as envie de faire, etc., etc., et c'est quand tu commences à perdre cette sincérité, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions de ok, où est-ce que je fais. Voilà, ouais, encore ouais. une fois, on revient à pourquoi l'arrêt du floodcast, quoi. C'est-à-dire qu'on a été sincère jusqu'au bout, mais il y avait un truc de. Faut pas se forcer, quoi. Ouais, si, ouais. Si tu te forces, t'as perdu. Et les gens vont le sentir et ça va être moins bien. Et les gens vont se dire ah, en fait, pas ouais. ouf, et en fait, truc. Et en fait. Et c'est pour ça que, mine de rien, c'est toujours bon d'arrêter quand tu sens que c'est plus le moment, quoi. Et vaut mieux vivre avec ces regrets là de ah putain peut-être on a arrêté trop tôt, on aurait pu faire quoi, des trucs plus forts, ouais, ouais. que faire des trucs pas ouf et dire c'était bien sauf la fin, hein. putain ouais, la ouais. fin c'était un peu de la merde, etc. Ouais. Et il y a peut-être des gens qui pensent à du podcast, il y a aucun problème, bah, mais nous au moins on a arrêté en se disant pas la fin c'est de la merde. Moi je trouve qu'on a fini avec, c'est la saison où il y a le plus d'épisodes, où on a le plus tenu l'hebdo, tu vois. Je me brosse un peu tout seul, mais tenir une hebdo avec beaucoup de projets à côté, toi comme moi, mais moi à bosser la nuit sur Evil Dead, préparer les floodcasts, j'ai un autre, je sors un film, j'ai mon deuxième film machin, etc. Donc s'organiser, qui est quand même truc où je suis le moins bon, tu vois. Voilà, moi je suis trop heureux que ça se finisse comme ça, et j'espère que vous aussi. Ça permet de finir, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, du floodcast et tout, et quand même remercier. Voilà, vous remerciez les gens qui ont écouté, qui sont arrivés. Ça, c'est marrant aussi. Il y a des gens, des fois, qui m'envoient un message genre, oh putain, moi j'écoute que depuis 2 mois et tout. Genre, mais aucun problème. Et en fait, c'est trop bien, même si des gens vont découvrir plus tard, etc., etc. Il n'y a pas de médaille parce que ça fait 10 ans que t'écoutes ou que ça fait, etc. Merci d'avoir écouté. Merci d'être venu, d'avoir essayé de choper des places. Merci d'avoir été là. Parce que ça rend le truc plus kiffant, évidemment. Ouais, d'avoir été là. Et puis même si on fait souvent des vannes sur les gens relous et tout. Oui, ou sur vrai, le fait que c'est 0,1% des gens. Enfin, c'est notre cerveau qui voit toujours le négatif, etc. Non, mais c'est aussi parce que c'est plus marrant. Enfin, tu vois. Oui, c'est, oui. Genre, non, mais moi, des fois, ça nous avait. Moi, quand j'ai coupé les commentaires d'Instagram, c'était aussi parce que j'en avais marre de bon le service après-vente de lui, après, il est pas marrant, lui il est pas sur nous en l'occurrence, c'était sur les invités. Nous, et je trouvais ça irrespectueux. C'était pour préserver les invités, et aussi parce que on n'a pas le temps de faire la modération, parce que de la modération c'est vraiment, faut être 24h/24 à surveiller les commentaires pour voir s'ils sont pas d'insulter insulter telle ou telle personne et tout. On n'a pas le temps de faire ça, et du coup peut-être qu'il y a un côté, une minorité des gens qui pénalisent. Et c'est encore une fois des choix qu'on a fait. Ouais. Quand les gens assument. Hein, ouais. Oui, totalement. Surtout que bon, c'est vraiment très grave pour moi. On s'en bat les couilles de voir des commentaires sur une photo. Ouais. C'est vraiment, on s'en branle, quoi. Ouais. Mais du coup, c'était un truc de confort, de ne pas avoir nos invités qui se font insulter par des gens, qui se font chier dessus. N'oublie pas qu'on a taguer les gens dans la photo, donc ils vont voir les commentaires. Ouais. Bon, c'est Romain qui nous avait dit c'était Duros, mais c'est qui on a reçu. Vous avez reçu tel rostail la semaine et maintenant il y a. Ah ouais, j'avais pas. Non, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc, c'est possible à quoi faire. Bon, on se ressente sur le négatif, mais c'est une infime partie, mais effectivement, tous les messages très touchants. On a des gens. Voilà, des jeux. Et aussi, des fois, ça me concerne peut-être, t'es pareil, mais. Moi, je réponds pas, surtout des fois quand c'est des trucs très personnels et tout, je sais pas quoi répondre, en fait. Moi, j'ai toujours eu ce truc qui, moi, me met plus à l'aise de la de l'entertainment en disant moi je vous on vous propose ça et c'est ça trop vous plaît bien ou pas, et c'est trop bien si ça vous aide même dans des moments difficiles de votre vie. Et je comprends qu'il y ait ce besoin de le dire à l'artiste, comme moi-même j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune, à envoyer des lettres à Liam Gallagher ou des choses comme ça. Et je suis pas Liam Gallagher bien sûr, mais en tout cas voilà, je peux comprendre ce truc là mais faut pas mal prendre quand il y a pas de réponse et tout, parce que moi je sais pas quoi dire en fait. J'ai un truc de sachez que c'est entendu, c'est toujours lu et c'est reçu. Et juste, je sais jamais quoi répondre à ça à part merci, etc. Donc arrêtez, je le dis de là. Me faire chier avec vos états d'âme de merde. Hey, je rigole. Et voilà. Et donc, waouh, le perso là. Et donc c'est pour ça que je le dis là. Merci à tous et c'est à tous, pardon. Et c'est trop bien si ça a pu aider des gens dans des moments pas cool, si ça a pu aider des gens dans des moments difficiles et aussi pas du tout difficiles, juste des voyages en vacances cool et qu'en plus on a pu accompagner pendant des vacances et tout comme ça. C'est trop cool. C'est le truc dont je suis le plus content, même parce qu'on disait ouais on a eu des gens connus sur scène et tout, génial, trop bien, superbe façon de clôturer le truc. Mais le truc dont je suis le plus content, c'est visiblement à quel point on a pu accompagner les gens même dans des moments dans des moments difficiles ou pas d'ailleurs, mais juste encore une fois je le dis, moi pour être grand consommateur de podcasts et savoir à quel point des fois ça peut te sauver une journée, tout ça, c'est vraiment le truc dont je suis le plus content, c'est ça quoi. C'est, je vais même pas dire avoir une place dans la vie des gens, juste une présence, une compagnie, ouais, c'est déjà, fou, ouais. C'est trop bien, c'est très, je trouve que c'est un truc qui est pour moi très précieux dans ma vie. Donc si j'ai pu être ça pour des gens, je suis puis en plus on était des content, on était des relais de ça, parce qu'il y a nous deux, mais en plus il y avait tous les invités qui sont venus, qui ont toujours été généreux, etc. Donc ça c'était trop cool. Et puis moi c'est mon espèce de pudeur liée sûrement à mon éducation, ma relation à mon père, etc. Mais de pas dire les choses. Mais sachez que j'ai toujours pris tout ça très au sérieux, que j'ai monté le quand ma fille est née, elle est née à 20h59 et machin, elle se couchait, etc. Le soir de l'accouchement de ma fille, de ma femme, de ma fille, de ma femme, de ma fille, j'ai monté l'épisode pour qu'il sorte le lundi. Là, on a fini les trois salles Playel le soir, on a fini dimanche, la nuit de dimanche à lundi. J'ai monté l'épisode avec Benjamin et Morgan pour que les gens puissent avoir leur épisode. Et je demande évidemment, enfin, je dis pas ça pour qu'on me dise putain trop fort, mais c'est juste que lui des DM de félicitations. Non, surtout pas. Mais c'est pour dire que voilà, moi je suis pas très, vu que je réponds pas aux messages, que je sais pas trop dire les choses, que je fais pas de story, etc. Je suis pas à l'aise avec ça. J'ai essayé de le faire par le travail. Voilà, j'ai essayé de le faire pour que les gens puissent avoir des trucs kiffants à regarder, à écouter, etc. C'est par ça que j'ai essayé de vous rendre l'appareil en respectant en fait la confiance que vous donniez à l'émission. Notre métier, c'est le divertissement. Enfin, notre métier, notre fonction. Enfin, moi, un truc qui me tient à cœur. Et encore une fois, c'est un truc aussi que je disais, moi, quand je disais que j'aimais les vidéos de Amixem, par exemple, parce que c'était un des rares qui vraiment... ça se sentait que c'était genre, moi, je fais du divertissement et c'est tout. Je suis pas en train d'essayer de donner des leçons, d'inspirer, de machin. Il y a un côté... Oui, c'est du divertissement. C'est tout. Et moi, je trouve que c'est... Je vais pas utiliser le mot noble parce que c'est un peu un truc qui me choule. Dès qu'il y a un truc, on dit c'est très noble. Vous savez, les blagues sur le sperme, il y a une noblesse là-dedans. Non, non, il n'y a pas de noblesse, mais il y a des trucs qui sont très bien sans être nobles. Bon, bref. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc très. C'est très. Quelque chose qui doit être valorisé en tout cas, de faire que du divertissement. Ouais, il n'y a pas à être condescendant de genre, un petit peu de fond derrière, ce serait quand même pas mal. Non, non, pas forcément, on n'a pas forcément envie. Le divertissement, c'est important au même titre que les trucs qui vont nous instruire et nous éduquer. J'ai un peu perdu le fil de ma phrase, mais en fait, nous, c'est ça notre fonction, c'était qu'on s'est. Enfin, on l'a jamais verbalisé, mais c'est faire du divertissement. Et c'est ça le deal. Après, notre fonction, c'est pas de être un ami virtuel avec qui on est. Ah non, non, non. C'est pas ça le deal. Parce que moi, il y a un peu un truc de. Bon, attends, j'allais partir dans un truc qui n'a rien à voir, mais il y a un côté, genre, le deal tacite est. On propose du divertissement et si ça vous plaît, vous le consommez. Ouais. Et très bien, on ne demande pas plus. Oui, c'est exactement. Et il n'y a pas à demander plus de l'autre côté. C'est très bien, c'est un deal qui est sain. Ouais. Et qui est peut-être moins clair parce que le podcast, c'est nous qui parlons dans un micro, etc. Mais c'est le deal. C'est-à-dire que. Et en plus, moi, je trouve que les invités vous plaisent pas cette semaine-là. Bon, il y en aura peut-être la semaine prochaine qui vous plairont, etc. Et ça, on est en train de dire ça alors qu'il n'y aura plus d'émission. Non, bien sûr. Mais c'est parce que c'est plus facile de le dire quand c'est fini que pendant où tu pourrais croire que tu essaies de régler des trucs. Enfin, tu vois, non, moi, je le dis maintenant parce que. Je trouve que c'est toujours ce qu'on a gardé en tête et ce qui nous a drivé et de dire non mais en fait on reçoit ces invités parce qu'ils nous font envie ou parce qu'on les connaît ou parce qu'on pense qu'ils vont être bons clients et parfois on s'est planté mais ça a toujours été drivé par ça. Et si vous saviez en plus le nombre d'invités qu'on n'a pas pris parce qu'on se disait ah mais on pense que ça va pas rentrer dans le délire ou etc, etc. Des gens connus hein. Et des gigastars hein. Mais tu biperas. Bah évidemment, mais moi j'allais juste dire Will Smith. Mais bon, Oh, Will Smith, t'as vu sa dernière chanson là? Ouais. Quel cata. Ouais. Mais vraiment, il me met une angoisse. Bah c'est triste. Ah ouais. C'est terrible. T'as vu la vidéo où il chante sa chanson à Londres? Et vraiment, personne. C'est horrible. Et puis vraiment, un peu ouais, on a arrêté. On a arrêté avant d'être Will Smith. On a arrêté à Men in Black 2. C'est avant, là, avant que tu chantes Balavoine et que les gens ne rient plus quoi. J'imagine vraiment t'es les gars. Place du Trocadéro. Hey, la moussaka. Et vraiment il y a juste des gens autour qui sont genre allez, qu'est-ce qui se passe. Faut que je pisse vite fait. Attends, pardon. Pisseur. Attends, pas grave, je vais rester je vais animer le truc tout seul. Donc voilà mon podcast donc sur le cinéma. Donc en fait le cinéma c'est une sorte de c'est une promesse, c'est une caresse, c'est une faiblesse parfois qu'on expose aux gens. Le cinéma c'est un rêve mais en même temps qui est tellement ancré dans la... C'est-à-dire qu'un rêve c'est voilà, si c'est juste montrer au visage, souffler une sorte de vapeur éthérée au visage des gens, ça ne marche pas parce qu'en fait un rêve ça s'effrite dès qu'on essaie de s'en emparer. Donc le cinéma c'est autre chose, c'est quelque chose de, c'est là toute la subtilité. Oui, parce que c'est un podcast sur cinéma hein, que je vais, parce que je, voilà, c'est un art. J'appelle ça le septième art, moi, personnellement. C'est voilà, c'est assez ténu en fait. C'est-à-dire que si on est trop dans le rêve, on n'imprime pas l'émotion, mais si on est trop dans la réalité, alors bah on ne fait plus rêver par définition. Et donc voilà, en fait, c'est un, le cinéma, c'est un peu cet exercice de funambule. Où il faut marcher sur cette ligne. Bon, c'est très compliqué, hein. Voilà. Bon, je suis une pure merde. Ouais, il a pissé longtemps. Non, mais voilà. Donc le cinéma, voilà, c'est un pied dans le rêve, un pied dans la réalité. Et le trou de balle, au milieu, quoi, sur la corde raide, quoi, du funambule. Enculez-moi. Non, pardon. Ah, j'ai eu que la fin, mais c'est top. Mais c'est bien. Non, bah, je suis revenu dans un truc plus flot de casse quand t'es quand t'es revenu, quoi. Non, mais voilà. Écoutez, la suite, c'est quoi? C'est aussi, enfin, le truc aussi, c'est de se dire que. Et toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, toi? Parce que tu m'as posé la question à laquelle j'ai pas répondu d'ailleurs. Si, t'as parlé un peu de podcast, de Twitch. Non, mais c'était une autre question, ça. Ah bon? Oui. Bah, vas-y. Alors. Si tu réécoutes, non, mais je sais pas. Souhaiter de... Non, mais... Attends, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, Adrien, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Laissez-moi tranquille. Ne souhaitez rien, en fait. Ne me souhaitez rien. Voilà. Voilà ce que vous pouvez me souhaiter. Rien. Voilà. On verra ce qui se passe. Ne me souhaitez rien. Non, mais là, c'est vrai que t'écris à fond. J'écris à fond. Bah, il y a le métrage avec Joannet. Voilà. Bien sûr. Dans lequel tu vas jouer. Je peux pas parler. Bien sûr. Non, mais ça écrit. Et puis, non, il y a des projets, il y a des trucs. Moi, tout va bien. Hein, vraiment, tout va bien. Ne me souhaitez rien. Très bien. Ça vous regarde pas, en fait. Tout simplement. Ça ne vous regarde pas. On espère Twitch quand même. On espère un peu Twitch. Ça ferait plaisir. Espérer. On peut moi j'espère perso. Voilà, moi j'espère okay, Twitch. OK, voilà. Mais ce soir, je parle de team. Allez 18h. La team du lundi. Là, tu pourrais imiter Johnny, cela dit, chez eux. Ils sont dans cette ambiance. Ouais, mais moi je suis pas là, moi je suis toujours, tu vois. Ouais. Ils imitent Johnny. Bah je ferais Aznavour. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Flo, c'est bien, c'est le prénom que tu voulais. T'as, j'entends saturé dans mon propre casque là, c'est vraiment que Salut, c'est Pierre Bachelet. Quand tu rêves, Non mais fallait finir sur de la merde, on a été tellement sérieux. Bachelet sature, dis donc. Un nouveau perso qui est arrivé sur le fil, celui-là. C'est Pierre Bachelet ou quoi? Donc voilà, écoutez, ça fait 10 ans. Merci aussi à tous les invités qui sont venus pendant ces 10 ans parce que il y en a beaucoup aussi qu'on a des fois moins sur la fin, mais qu'on appelle le lundi en disant t'es dispo demain parce qu'en fait on n'a pas d'invité, etc. Et qui se rendaient dispo, souvent les copains, et merci à eux, ils se reconnaîtront. Donc ouais, merci à tous ceux qui sont venus gentiment, merci à tous ceux qui ont fait confiance, merci sur la fin aux attachés de presse aussi, merci à tous les auditeurs pour les mots gentils, d'avoir partagé le truc, d'en avoir parlé autour de vous, d'avoir été dans la grande majorité des cas, pas tous on le répète, mais adorable avec nous. Non, mais et évidemment l'immense majorité une goutte d'eau dans l'océan, les en gens fait, qui même ont ça été fait relou, du quoi. Bien de dire ah putain ils sont un peu comme nous, même dans la, moi je sais que c'est les gens que je croise dans la rue, franchement là je parle vraiment de 99,5% des cas qui le font gentiment, qui prennent beaucoup de pincettes, qui lorsqu'ils voient que je suis avec ma fille font un coucou de loin sans déranger, etc., etc. C'était génial d'avoir dans cette petite relation parasociale qui moi m'a toujours mis mal à l'aise, d'avoir ce respect mutuel de bah on vous emmerde pas, vous nous emmerdez pas, et que quand vous veniez c'était fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de pudeur aussi, je pense, parce que je pense aussi que les chiens font pas des chats et qu'on vous êtes nos enfants en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Non mais qu'il y avait un espèce de truc voilà, je pense que vous, il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont un peu comme nous, pas à l'aise socialement, etc. Et donc du coup voilà, c'était trop cool de vivre ça pendant 10 ans. Et j'espère encore en croiser dans ma vie, etc. Voilà, la fin du Floodcast ne signifie pas la fin des gens. Enfin voilà, j'espère vous croiser sur d'autres projets, sur des avant-premières. Moi, je vais évidemment continuer à faire des trucs avec Adrien, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on espère vous croiser ailleurs. Et ce sera toujours un plaisir s'il y a des casquettes Floodcast. Surtout que maintenant, ce que je te racontais, je commence à croiser des gens qui ont des casquettes Floodcast qui ne me reconnaissent pas. Ce qui est hilarant, ce qui est génial, parce qu'évidemment, c'est un truc audio. Donc il y a plein de gens qui. Parce que les premiers, c'était des gens qui avaient des gueules de moustache qui ont écouté le podcast. Mais maintenant, il y a vraiment des gens qui découvrent le podcast parce qu'ils viennent par un acteur ou par une chanteuse, etc., etc., ou par bouche à oreille. Et là, c'est trop marrant de commencer. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là maintenant. Il y a des gens qui ne connaissent pas notre gueule, mais ils connaissent le podcast. C'est hilarant, quoi. Moi, c'est ce que je me disais, c'est que là, à partir de maintenant, du coup, croiser des gens avec du merch podcast, ça va prendre une autre saveur, j'allais dire. Enfin, ça va être différent, quoi. Il va y avoir un côté genre ah putain. Enfin, comme c'est un truc qui n'existe plus, j'ai l'impression que ça va. Il y aura un peu de nostalgie qui va se mêler au truc et qui va être. Qui va emporter encore maintenant que c'est fini, surtout. Ouais, c'est oui, ça, non, mais qui c'est va ça. Être en vrai, il y a un côté genre. Ah ouais, tu le portes encore alors que ça n'existe plus. Ça va être touchant d'une autre manière, quoi. Exactement. Je vais vous arrêter dans la rue, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez une casquette podcast après l'arrêt. De merde. Eh, c'est moi le gars, regarde. La Moussaka. c'est moi. C'est moi, va voir Evil Dead maintenant. Vas-y tout de suite en fait, j'ai plus de podcast pour faire la promo. Non mais voilà, merci à vous, merci à tout le monde, merci à toi Adrien, évidemment, merci toi, pour ces plans. Pour je rappelle quand même que vraiment c'est vraiment toi le podcast du début à la fin, quoi. Moi j'ai été je dis pas que j'ai eu évidemment eu une part importante dans ce que c'est une le part podcast. Capitale. Moi je me suis toujours vu, tu vois, on parlait de KDO. Pour moi, t'es CAD et moi, je suis haut. C'est-à-dire que moi, j'étais juste là pour permettre à ce que ce gars très marrant que je connais dans la vie soit comme un coq en pâte autour de cette table pour qu'il puisse déverser ce truc. Parce que moi, je sais que je vais me marrer pendant 1h30 et les gens aussi. Et moi, c'est ce qui m'a trop touché à la salle Playel. Le deuxième soir, je sais pas si tu te souviens, quand t'es entré sur scène, il y avait vraiment un truc genre c'était pour what, quoi. Enfin, je sais pas si t'as senti, c'était ce truc de... Pour le Floodcast raconte, tu veux dire ? Ouais, mais même avant, quand on est sur scène... Il y avait un truc de t'as fait je sais plus quoi, une vanne de je sais plus quoi, et genre les gens étaient à fond et ça m'a trop touché. J'étais genre mais oui putain, c'est évidemment quoi, et c'était trop bien quoi, et je suis ravi d'avoir justement eu ce truc de oui, je faisais tous les trucs un peu techniques, c'était chez moi, j'organisais l'épisode, j'écrivais de base, l'impulsion de faire le podcast, c'est toi, tu m'as proposé, moi je sais que j'ai comme enfin je disais tout à l'heure un peu comme un truc positif de ne pas que les choses peuvent marcher sans ambition, mais je sais que mon manque d'ambition et d'initiative, c'est un problème que j'ai, et c'est pour dire que moi, jamais, si ça avait reposé sur mes épaules, il n'y aurait jamais eu de Floodcast, ni même de podcast, ni rien. Et c'est vraiment toi, du début à la fin, le truc existe grâce à toi, et faut le rappeler, quoi. Enfin, genre, c'est une bonne alliance. C'est une bonne alliance. Ouais. Ça a bien marché. C'est comme le groupe Alliance qui sponsorise cet épisode. Et merci à eux. Ils nous ont fait un chèque de 50 000 euros. Et on les embrasse pas du tout. Alliage, bien sûr. Non, c'est le groupe Alliage. Ah, le groupe Alliage. Ouais, malheureusement. Ah, ils croient un peu moins de thunes. Ouais, ça doit pas être 50 000 euros. Ouais. Ouais, oui. Alliage, le temps qui court, qui nous rend sérieux, et on a été très sérieux dans ce dernier épisode, parce que le temps qui court, et oui, déjà 10 ans, et déjà la fin. Et je suis Augustin Trapenard, mais je suis aussi... Pierre Bachelet. Le retour de Pierre Bachelet, ça dure. Oh non. Bon bah écoute, merci à tous. Et puis, hey, ciao tout le monde. Ciao Cambodge. On va bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches, car je vais me flinguer. Je rigole. Je peux pas arrêter là-dessus parce que... Non, c'est une blague enfin. Oh, on peut rire encore. On va arriver. Moi, je vise encore 5 ans de vie. Non, bon, allez. On va finir là-dessus, Florent. Bah non, c'est ça que tu veux. J'aimerais plutôt éviter. Mais oui, tu ris aussi. Tant que tu ris. Ah bah oui, mais bon. Tant que tu ris, on continue le podcast. Tant que tu ris, je bois de l'eau. Non, c'était du sperme ou quoi. Ah, vous régalez là. Vous n'êtes pas si bien. Vous n'êtes pas si intelligent. Arrêtez là. On va finir sur quoi? T'as vu, on n'arrive pas à arrêter. Ça, c'est un peu marrant. On n'arrive pas à arrêter. Bon, un peu mignon. T'as tout gâché en disant que c'était mignon. Allez, ciao tout le monde. Bye. Salut. Il s'agissait du flow de cast.